Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 9 avril de quelle année ? De 1940, jour de l'invasion du Danemark et de la Norvège par les Allemands. C'est l'opération Weser, un Weserübung en allemand, du nom de ce fleuve allemand, la Weser. Tout ça a commencé tôt. Le matin du 9 avril, les troupes d'Hitler sont entrées en Norvège à 2h15 du matin et au Danemark à 5h20. Et dites-moi, pourquoi cette invasion ? Alors, le but, c'est de contrecarrer à titre préventif une intervention prévisible des Anglais et des Français, envisagée dès son entrée en fonction par le nouveau président du Conseil français, Paul Reynaud. N'oubliez pas qu'à l'époque, la guerre est déclarée entre France, Angleterre, Allemagne depuis déjà 8 longs mois. C'est une espèce de veillée d'armes bizarre qu'on appelle la drôle de guerre, puisqu'il ne se passe rien. Du point de vue d'Hitler, il s'agit pour la Wehrmacht, je cite, de protéger la neutralité de la Norvège et du Danemark. Vous avouerez que c'est pas triste. Contre les Français et les Anglais. Donc, en vérité, bien sûr que la motivation des Allemands est d'assurer les voies d'approvisionnement du Reich en minerais de fer, tellement décisifs en ces temps de guerre. Et du reste, jusqu'en 1943, l'occupation allemande au Danemark et en Norvège se fera relativement en douceur. Et les Allemands n'en ont pas profité pour envahir aussi la Suède ? Non, parce que dans le même temps, ils sont en train quand même de préparer leur grand assaut à l'ouest. Ils ont besoin de chaque unité disponible. Or, Hitler n'a pas besoin d'envahir la Suède. Avec le Danemark et la Norvège, sans parler de l'Union soviétique, qui à l'époque est alliée de l'Allemagne, on peut dire qu'il menace suffisamment les Suédois, qui par ailleurs sont neutres, pour les obliger à faciliter le transit du fer vers l'Allemagne. Donc, dès le printemps 40, tout le nord de l'Europe est maintenant sous contrôle allemand, avec des conséquences terribles à court terme. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h, sur Europe 1. Et oui, pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.